la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et nous accueillons aujourd'hui Franck Glaser de l'Andaya Paddle Club au micro de Bruno Fleury. Bonjour, une balle qui claque sur une vitre, des rires qui résonnent, des générations qui se croisent. À Andaya, le sport n'est pas qu'un jeu, c'est un lien. Bienvenue Franck, merci Franck de nous avoir rejoint au micro de Radio Côte Basque. Franck, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter Andaya Paddle? Oui, alors bonjour Bruno, merci de me recevoir. Alors me présenter, ça va peut-être faire fuir vos auditeurs, mais je suis un néo-basque. Je suis arrivé il y a 5 ans sur la côte basque pour y vivre, mais ça faisait déjà 40 ans que je venais à titre de loisir. Et tu as beaucoup d'amis sur la côte basque. Et j'ai beaucoup d'amis notamment sur la côte dans basque. Le rugby. Dans le rugby, mais pas que. Mais pas que. J'ai pas loupé, je pense, une fête de Bayonne depuis plus de 30 ans. Voilà, et effectivement, j'ai des attaches très particulières avec le Pays basque. Après avoir fait une carrière plutôt dans les télécoms et l'informatique en région parisienne, j'ai monté ma première boîte il y a un peu plus de 20 ans et j'ai eu 7-8 projets entrepreneuriaux aussi différents et divers des uns des autres. Mais surtout, ce qui a été le lien entre tout ça, c'est le sport, essentiellement le sport. J'aime beaucoup le sport et j'en ai pratiqué moi-même. Et puis un ADN vraiment sur le développement commercial, où je suis excité par deux choses dans le monde du business, qui sont les rencontres que l'on peut faire avec les gens et les opportunités qui en découlent et comment on peut arriver à développer des affaires. Voilà, alors pour en revenir au sujet, enfin pas uniquement au sujet du jour, mais comme j'ai été présenté sous Andaya Paddle Club, qui est donc un club de paddle que j'ai eu la chance d'ouvrir il y a quelques mois avec un associé qui est un Andaillais pur jus, mon ami et associé Alexandre Crémades. On a ouvert donc un centre de paddle indoor, donc couvert, avec quatre pistes. On appelle une piste un cours, une piste plutôt. Ouais. Donc quatre pistas qui sont des pistes un peu dernier cri avec des technologies un peu particulières d'affichage de score dans les écrans. Toutes les parties sont filmées, ça permet de revoir ces parties avec des pistes panoramiques ou ultra panoramiques, donc il n'y a pas de poteaux sur les surfaces vitrées, donc c'est vraiment un confort de jeu qui est très agréable, que ce soit pour les joueurs ou pour les spectateurs. Et puis on a innové aussi dans un éclairage un peu particulier avec des anneaux lumineux en LED, des dernières moquettes dernier cri de chez Mondo, qui est le leader mondial sur la moquette. Voilà, donc on a investi dans des cours un peu premium, à des prix tout à fait raisonnables, qui sont pratiqués un peu partout, mais on a fait le choix d'aller sur un club un peu en termes d'équipement, un peu novateur et premium. Oui, effectivement, chez toi, ce qu'on peut remarquer, et pour y être allé et avoir visité, c'est cet éclairage qui est tout à fait particulier, où quand une balle se joue assez haute, on n'est pas du tout ébloui par cette lumière qui peut être une lumière néon ou autre. On a vraiment un bon jeu et une bonne vision de balle, et c'est plutôt facile de jouer dans ces conditions de lumière. Effectivement, la problématique qu'il peut y avoir souvent et qui est rencontrée par pas mal de joueurs, c'est qu'à un moment donné, on peut être aveuglé par la lumière. Et là, sur notre piste centrale, où on a un anneau lumineux qui suit toute la paroi, effectivement, dès qu'on lève la tête, ce qui est quand même assez fréquent au paddle, clairement, on n'est pas ébloui. Alors, je dis paddle, mais je ne devrais pas dire paddle, je devrais dire paddle. Paddle. Paddle, mais on dit tous paddle, parce que paddle, je rappelle que c'est la planche où on rame. C'est ça. Voilà, et on devrait tous dire paddle, mais on a beaucoup de mal à le dire. Mais c'est paddle, effectivement. Quand je suis venu visiter, j'ai rencontré Thomas, qui était venu juste là pour taper une balle, qui découvrait un peu le site et qui me disait y être resté pour les gens et pour l'ambiance, parce que effectivement, chez toi, il y a une ambiance tout à fait particulière où, dès après avoir joué, on peut se retrouver dans ce salon un peu en hauteur. Là, j'aimerais bien que tu nous fasses vivre au micro ce qu'on peut voir de votre partie haute. Oui, alors effectivement, on considère notre centre pas comme comment dirais-je uniquement un centre sportif, mais on souhaite le considérer comme un lieu de vie. Alors un lieu de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, évidemment vous pouvez venir jouer, mais vous pouvez aussi passer un bon moment. Et un bon moment, ça peut se décliner sous plusieurs formes. Mmh. Ça peut se décliner en voyant les copains jouer, puisqu'on a effectivement cet espace de bar, restauration légère, oui, qui est surélevé puisqu'il est positionné sur un ancien quai de déchargement dans cet entrepôt. Donc, oui, on a gardé le quai de déchargement à l'intérieur et il domine notre piste centrale. Donc, on peut assister à des belles parties tout en buvant un verre. Ouais, et puis les enfants, ils sont bien, ils peuvent être là pendant que les parents jouent. C'est assez. On a de la place. Alors pour les enfants, on a et pas uniquement pour les enfants, mais on a un jeu de fléchettes. On a un écran assez important où on retransmet aussi. On a retransmis les JO, on retransmet des rencontres de Top 14, de football. Donc, mm-hmm, on peut aussi voir un certain nombre d'événements sportifs chez nous. Alors, on a aussi un bar, on a une licence 4. Alors, on sait que tous les joueurs de padel sont des très grands sportifs, mais ils aiment bien boire un coup derrière. Donc, à consommer avec modération, bien évidemment. Tout à fait. Mais il faut vous altérer après une belle partie. Hein, voilà, voilà. Et comme on est dans un sport très convivial et qui est assez facile d'accès, d'où l'engouement du padel un peu partout dans le monde et notamment en France, les gens aiment bien partager un moment ensuite. Et effectivement, c'est un sport où les gens sont amenés à se rencontrer, à échanger. Ouais. Pas de prise de tête, hein. C'est vraiment des bandes de copains, hein, ce que j'ai pu voir, qui viennent exactement jouer ou découvrir. Et c'est l'ambiance qui règne est tout à fait sympa. Je crois que c'est l'essence même de ce sport, qui est un sport qui est facile d'accès. Contrairement à d'autres sports de raquettes où il faut avoir pratiqué quand même pendant un bout de temps avant de s'amuser, le padel est un sport où on peut s'y mettre rapidement, on peut prendre du plaisir, c'est un sport d'équipe, donc on aime beaucoup se chambrer, s'invectiver, mais dans les règles du sport. Donc ça, c'est très agréable. Et puis, on aime passer ce moment convivial suite aux parties. Et voilà, et je crois que c'est pour ça qu'il y a un réel engouement par rapport à la pratique de ce sport, même si après, si on veut franchir un cap, c'est comme tout, il faut... Faut prendre des cours, faut pratiquer un peu plus, et puis voilà, c'est forcément, si on souhaite passer un cap, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, et puis il y a quelque chose de très fort aussi, hein, chez toi, c'est l'ouverture aux personnes en situation de handicap, parce que ton prof sur place est formé pour. Oui. Et à cet esprit aussi d'accompagner les gens handicapés vers ce sport et de pouvoir les prendre. On a échangé déjà ensemble sur la venue de certains jeunes autistes ou handicapés qui, oui, pourraient venir passer une matinée ou une après-midi en dehors de leur centre, et ça leur fait toujours un bien fou, et de pouvoir pratiquer ce sport qui est finalement, si on ne rentre pas dans la compétition, entre guillemets assez facile pour n'importe quel enfant, quel que soit le handicap. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, alors merci de mettre l'accent là-dessus, parce qu'effectivement, on attache beaucoup d'importance à de grands mots qu'on peut utiliser comme l'inclusivité ou l'inclusion. Mais Hendaye est une ville qui est assez orientée vers le handicap, avec l'hôpital marin, l'accessibilité, ouais, à la plage avec Handi Plage. Oui. Et c'est effectivement, on souhaite accueillir. Nous, on a ouvert il y a peu de temps, donc on n'a pas eu l'occasion encore de pouvoir le faire. Mais dans les semaines et les mois à venir, on souhaiterait accueillir des groupes d'enfants et même d'adultes, de gens qui sont en situation de handicap. On respecte toutes les normes, puisque évidemment, pour ouvrir notre établissement, il a fallu respecter un certain nombre de normes PMR, exactement. Et donc, on peut accueillir, que ce soit pour regarder des joueurs ou pour jouer, on peut accueillir des personnes en situation de handicap. Et merci de mettre l'accent aussi sur notre prof qui lui est tout à fait qualifié, apte et qui aimerait recevoir. Et puis qui a très envie, hein. Exactement. C'est ce qu'il m'a exprimé l'autre jour. Oui, il a très envie. Et nous aussi, en tant que, je dirais, gérant du centre, on a très envie de pouvoir accueillir ces personnes-là. Ouais, puis j'y avais croisé Sarah qui me disait qu'elle était handicapée, qu'on lui avait juste proposé de jouer et qu'il n'y avait pas eu de différence. Il avait joué, elle a joué avec un valide et c'est pour elle c'était juste un partenaire et pour lui c'était juste une partenaire. Ouais, c'est ça. Et ouais, elle a trouvé ça magique qu'il n'y ait pas de différence et qu'ils puissent échanger des balles et pratiquer le même sport. Bah, je crois que c'est le principe où les différences s'estompent énormément. Là on parle des valides et des personnes en situation de handicap, mais j'irais même plus loin, je pense que c'est un sport qui est très aussi intergénérationnel. On voit lorsqu'on organise nos petits tournois amicaux le week-end, on a des papas qui jouent avec leur fils, moi le premier d'ailleurs. Ah oui. On a des couples, on a des équipes féminines et on mélange tout le monde et ça se passe hyper bien et je trouve que tu vois, dans l'esprit de faire un lieu de vie, oui. Je crois qu'on remplit complètement notre mission, où bah, c'est un match, lieu de vie où on a plein de gens différents qui viennent nous voir et qui s'amusent. Ouais. Et qui s'amusent. C'est parce qu'il ne faut pas perdre la notion de plaisir dans ce sport et dans ce qu'on souhaite développer, mais c'est vraiment cette notion-là qu'on souhaite mettre en avant. Et puis il y a une autre dimension qui est importante, c'est que sur ce lieu, on peut y faire venir aussi des entreprises juste pour jouer ou pour y vivre une expérience d'entreprise, faire un team building, passer une journée conviviale, c'est-à-dire oui. On va faire des matchs le matin, on va déjeuner ensemble, les finales l'après-midi, une soirée récréative et festive derrière. Enfin, tout est organisé aussi pour ça et ça, je trouve ça hyper chouette, quoi. Oui, alors effectivement, le lieu nous permet d'être, j'allais dire, multi-configuration. On peut accueillir des groupes assez importants, jusqu'à 100, 150 personnes. Et donc, effectivement, dans ce que tu mettais en avant, on peut, par exemple, faire une réunion le matin avec une entreprise, leur proposer un déjeuner sur place et organiser le tournoi interne ou une initiation, voilà, et passer une journée complète chez nous avec évidemment la contribution de notre prof qui est là et qui est à disposition des groupes. Ouais, pour conseiller. Et puis moi, dans une ancienne, j'allais dire, expertise professionnelle où pendant longtemps, j'ai géré une société d'événementiel, donc voilà on est tout à fait... tout à fait à même de pouvoir gérer ce genre de demande. Ouais, et puis c'est chouette de voir un stagiaire jouer contre le PDG, oui. Ou un jeune handicapé jouer contre son animateur, contre le directeur du centre, contre des gens avec qui il n'a peut-être pas forcément l'habitude de jouer. Oui. C'est assez extra, ça amène de la convivialité, les barrières tombent à ce moment-là. Oui, hein. Bah pour aller un petit peu plus loin, ce sont les valeurs du sport où tout s'estompe un peu. Et effectivement, à partir du moment où on se retrouve tous avec des baskets aux pieds et puis une raquette dans la main et en short, bah, je pense qu'il y a aussi moins de différence. Et si demain tu regardes tout ça, je ne sais pas, les familles, les joueurs, les personnes en situation de handicap, les entreprises, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce projet ? Ce qui me rend fier, c'est que c'est un projet qu'on a longuement mûri. On a mis presque 3 ans pour mettre au point ce projet. On en parlait juste avant en off, mais c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est quand même le foncier sur ce genre de projet. Oui. Donc, il fallait trouver du foncier qui rentre dans notre business plan. Voilà, donc ça, c'est une première fierté, c'est de se dire qu'on a réussi à faire aboutir le projet. Et puis, au-delà de ça, c'est de dire qu'on crée un vrai lieu de vie. On voit des gens qui viennent, qui poussent la porte une fois, deux fois, trois fois, qui y prennent goût, qui reviennent avec leurs copains, qui reviennent avec leurs collègues de boulot, oui. Qui viennent boire une bière, un soda, qui regardent un match, qui reviennent le week-end pour les tournois. Et on vit de taper la balle. Ouais, en fait, on crée un lieu de vie. Et ce qui est vraiment sympa aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui viennent, qui sont pas sportifs ou qui sont pas sportifs de raquettes, qui sont pas sportifs de padel et qui viennent juste boire un café parce que bah, je pense qu'on est plutôt des gens sympas, qu'on aime bien accueillir les gens, qu'on aime ça, qu'on aime bien se marrer, ouais, et puis qui viennent voir leurs copains jouer ou qui viennent boire un café et puis on passe un beau moment. Et ben ça c'est génial. Et puis vous êtes... c'est super. Ouais ouais c'est très sympa. Et puis en plus comme vous êtes à Handaï, il y a cette partie où vous êtes très frontalier oui. Et on y croise aussi quelques Espagnols. Même si les Espagnols en padel ils ont quelques années d'avance sur la France, mais ça fait qu'il y a aussi quand même cette richesse de culture entre l'Espagne et la France et ça donne une ambiance tout à fait particulière aussi je trouve. Ouais mais, oui merci de mettre le point là-dessus parce que bah, en étant frontalier on est vraiment à quelques centaines de mètres de la frontière. On reçoit beaucoup d'Espagnols. Et puis, j'ai envie de dire que là, le Pays basque prend tout son sens, puisque oui. Là, il y a peu... Évidemment, c'est qu'un seul pays, c'est qu'une seule région, c'est qu'un seul territoire. Et là, on parle du Pays basque, qu'il soit espagnol ou français, ça reste le Pays basque. Et on passe d'un côté ou de l'autre de la frontière... comme à une certaine époque. C'est et ça. Là, c'est juste avec une pala et des pelotes et on vient s'amuser chez nous. Est-ce que tu as envie de nous parler peut-être de partenaires justement qui vous ont accompagné dans l'ouverture de ce projet ? Oui, alors évidemment, j'ai envie de remercier déjà les partenaires institutionnels que sont au premier chef la mairie qui nous a qui nous a permis de pouvoir développer ce beau projet. Après, évidemment, nos partenaires banquiers, voilà. Et puis on a des partenaires opérationnels. Je pense aujourd'hui à des gens comme Atlantic Paddle qui viennent d'ouvrir une magnifique boutique sur Anglette, qui nous aident dans l'élaboration de notre boutique chez nous, ce qu'on appelle un pro shop. Oui. Voilà, et donc ça nous permet de proposer un certain nombre de raquettes, dont les raquettes Palap, qui est aussi un partenaire qui est important pour nous. Voilà, ce sont des gens qui nous accompagnent au quotidien et qui nous comprennent aussi dans notre démarche d'accompagnement client. Et c'est hyper important. Et on est aligné, par exemple, sur les prix d'Internet. Donc voilà, donc aujourd'hui, nos clients n'ont pas besoin d'aller comparer les prix. Donc ça, c'est aussi important pour nous, même si c'est une activité connexe à ce que l'on fait. Et puis évidemment, j'ai envie de remercier aussi au premier chef le propriétaire de notre entrepôt qui a cru dans notre projet. Et ça, évidemment, sans lui, ça n'aurait pas pu être possible. Bon bah écoute Franck, en fait Handaï à Paddle, on joue, mais surtout on se rencontre, on tombe les barrières, on s'amuse, on tombe les différences, et pendant quelques échanges, on est juste ensemble finalement, et on prend beaucoup beaucoup de plaisir à venir se rencontrer, faire du sport et puis échanger un verre et de l'amitié. Merci Franck, merci pour cet espace sport que tu nous proposes à Handaï et on se réjouit de venir te voir très prochainement et de t'accompagner et de venir certainement tendre le micro au premier groupe de personnes handicapées qui viendront avec faire plaisir, un stage. Ouais. Et merci pour ton invitation et ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est que du plaisir. Merci Franck. Et si comme Franck, vous avez envie de parler d'un projet que vous avez réalisé et si vous voulez en parler avec autant de passion, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, mais aussi par email à radiocotebasque@gmail.com.